Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert! Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 3 heures chaque semaine, on déballe les CD qu'on a reçus à la station C'est Fou 89 FM pendant la semaine et on les écoute tous ensemble pour la première fois. Un petit listening party. Et cette semaine, c'est un spécial musique canadienne, deuxième partie. On a commencé la semaine dernière, on a reçu des tonnes et des tonnes de CD canadiens depuis les derniers mois, donc il faut passer au travers à un moment donné. Donc on remet les nouveautés de la semaine à la semaine prochaine et puis on continue dans le canadien. On commence avec la formation de Midway State. Leur hippie, leur maxi s'appelle Madman on Top of the Hill. Et tout de suite, voici Madman on Top of the Hill. Quand même assez logique. Suivi de Change for You et de Nobody Understands dans le poste d'écoute au 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. The hill, met a man said take this pill, met a man who turned away, who stole my sun from every day, met a man with dark brown eyes, met a man who was throwing lies, met a man who was good with fire, he warmed me up, he didn't spy, met a man on top of the hill, met a man his cup was spilled, met a man who took me home, he made me feel alone, alone, met a man who took my hand, these folks don't understand, you boy just come with me, with my help you don't have to be, he said, come here kid, and I'm gonna heat you. All my fancy fire, come here, kid, and I'm gonna see you on top this hill. I can, 'cause you are blind. Tears are from my eyes. But a man who looks so kind, understanding I was blind. But a man covered in red, he found a way inside my head. But a man on top of the hill, but a man his cup was spilled. But a man who took me home, he made me feel alone, alone. But a man who took my hand, these folks don't understand. Your boy just come with me, with my help you don't have to be. He said, come here kid, and I'm gonna heat you with all my fancy fire. Come here kid, and I'm gonna see you on top this hill. I can, 'cause you are blind. Le poste d'écoute. So here we fall, and here we break, and all that we had's now just a mistake. I guess it got boring and old, so what have you done? You left me alone. You got your things, you got them all. You know there's nothing you won't have, and I'm afraid I don't got the cash to keep you happy and not sad, 'cause you show me that you're not free. Yeah, you need big fat limousines to keep you high, to keep you safe, keep you in love. What if I be friends, they go into your head. You got your things, you got them all. You know there's nothing you won't have, and I'm afraid I don't got the cash to keep you happy and not sad, 'cause you show me that you're not free. Yeah, you need big fat limousines to keep you high, to keep you safe, keep you in love. What if I that I held you close in your puffy white coat, and you told me, Joe, I can never let go. No, I need you more than my life itself. And the rain poured down and it kept you dry. Yeah, I took the tears falling from your eyes, and the snow came down and it kept you warm, and it kept you safe from your daddy's storm. When he said to you that you can't see me, all this poor boy's got nothing good to be. Now they got to you, wondering what are you. Say you want some rich guys to tell me. What if I change for you? Then will you see me still with you? Will I never do it? I'm no fool, honey. I'm not you. You ask me to change. Cool off, you're on fire. No cold tears gonna put you out, out, out. You're awake in love, you're wired. Kiss her goodnight, now you walk by yourself. Well, you're so confused 'cause they told you be careful, you know she's a mess, and she is a bad situation. Oh, that girl is always depressed. It's something you feel, they can't see it. She is the one that ignites what you got inside, what you just can't hide. The way you love her, nobody understands the way you feel her. Oh, it's above their heads the way you bleed her. 'Cause nobody understands you, boy. Oh, nobody understands. Oh, yeah. with how you feel. Yeah. She's concealed. Oh, you're so confused, 'cause they told you her father was bad, he was messed, and she is a bad situation. Oh, that girl is always depressed. So where do you go when there's no one, when no one believes in your love? Though it all shines out when you kiss her. Le maxi de The Midway State et la pièce Nobody Understands, précédée de Change For You et la pièce titre Madam Man on Top of the Hill, ici dans le poste d'écoute spécial musique canadienne. L'album complet de The Midway State sort le 22 juillet au Canada. Ils sont en spectacle à Montréal le 24 à 20h au Lessin avec Missy Higgins. Autre que ça, ils sont aussi en Ontario et puis en Colombie-Britannique. Vous pouvez aller voir le myspace.com/TheMidwayState pour en savoir plus. Ils viennent de Toronto en Ontario. Et les membres sont Nathan Ferraro, Danon Bramberger, Michael Weiss et Mike Kirch. Voilà donc pour The Midway State. On attend l'album complet bientôt. Prochain album, c'est toujours dans le canadien parce que c'est le spécial musique canadienne. On va entendre la formation Humankind avec leur CD It Will All End in Tears. Et voici la pièce Mess of a Boy. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la toute première fois tous ensemble au 89.fm. C'est fou ça! Let's go. poste d'écoute. Listen outside, a dirty Humankind avec Don't Follow, précédé de Romancing the Dark et de Massive Boy, les trois premières pièces de leur maxi It Will All End in Tears dans le poste d'écoute. Humankind, c'est un groupe de New Wave post-punk de Toronto, en Ontario. Ils sont en spectacle à Montréal le 10 juillet prochain à 21h au Zoo Bizarre. Ils vont être ensuite à Kingston, en Ontario, le 18 juillet. Les membres sont Sean Savard, James Roy Daly, Paul Anderson et Tucker. Juste Tucker. Allez voir le myspace.com avec Humankind ou encore... Non, en fait, c'est leur seul site web. Je devrais vérifier avant de dire ce que c'est. Il y a aussi une biographie sur leur MySpace si ça vous intéresse. Humankind. Mais nous, on passe déjà au prochain album parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'albums à vous faire entendre d'ici la fin de ce spécial musique canadienne deuxième partie. La prochaine formation, c'est ESL. Leur album s'appelle Eye Contact. Et tout de suite, voici Secretariat. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la toute première fois tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Poste d'écoute. until you break the rules. So do, please do, prove me. I'll raise my voice, but you hold your tongue so tight it bleeds. So please prove me. We'll be right back. ESL avec la pièce I Don't Buy It, précédée de Prove Me Wrong et de Secretariat. Ça vient de leur album Eye Contact et c'est tout nouveau. Alors c'est ça depuis les derniers mois, c'est fou. Donc ESL, c'est de la musique melodramatic pop, selon eux-mêmes, indie folk, qui vient de Vancouver en Colombie-Britannique. Vous pouvez acheter le CD en ligne en passant par le myspace.com/ESL band. Les membres sont Martha Kaciubic, McKeever, Chris Dirksen et puis Joy Mullen. Voilà. Donc ESL, un band de gypsy qui performe des chansons orchestrées inspirées par tout, entre autres du cabaret polonais à Neil Young au Beastie Boys et à Velvet Underground. Donc, ils font pas mal de musique différente. Voilà, ESL, leur album, c'est Eye Contact. Prochain album qu'on s'en va entendre, en fait, c'est une compilation de ARG Records. Ça s'appelle The ARG Annual of Evans and Small Mercies Year 3, ou encore The ARG Annual Year 3 or of Evans and Small Mercies. C'est un album assez spécial, fait comme un livre très très joli avec une très très belle pochette avec des vraies pages dedans. Ça dit même à la première page, cet album appartient à, et puis là tu peux écrire ton nom dessus. Très joli. Et donc c'est plusieurs groupes de l'étiquette, et puis là-dessus il y a des artistes tels que Color Book, Beasts and Super Beasts, The Macadamia Brothers, Carolyn Mark. Mais nous on va entendre les trois premiers. Listening Party avec Little Tender Hearts, précédé de Away Rio avec Feels Like Losing Again. Mais on commence avec Chad, voici By Night Into Paradise dans le poste d'écoute au 89.1 FM. On découvre toutes les nouveautés musicales canadiennes reçues depuis les derniers mois. Yes, we'll open up a human heart and sing through every dusk. You know it's the saddest part of the day. I've been on the phone most days in April until the moon begins to sink and rise and sink and rise. That we just come to you at all. Le poste d'écoute. And you hurt me. Trois pièces de la nouvelle compilation The R Annual of Heavens and Small Mercies Year 3. On vient d'entendre la formation Listening Party avec la pièce Little Tender Hearts, avec leur album qui s'en vient bientôt. Who Are We Missing? Pas encore de date précise là-dessus, par contre, écrite dans l'album. Et puis voilà, ça vient de la formation Listening Party qui est au KillDevilHillsRecords.com. Justement, c'est la formation Huawei Rio avec Feels Like Losing Again de leur album Lose Low Down Light Comes Rising qui devrait sortir, en fait, qui vient de sortir en juin. MySpace.com/HuaweiRio. Et on a commencé avec Chet et la pièce By Night Into Paradise de l'album Fight Against Darkness qui est sorti en mars 2007. Leur site web, c'est MySpace.com/Chet, C-H-E-T. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais il y a d'autres formations sur la compilation. Colorbook, Beasts and Super Beasts, The Macadamia Brothers, Dan Weisenberg, Burger, Meat, Draw, Carolyn Mark et un paquet d'autres. Allez voir leur site web au myspace.com/rrecords, A-A-A-R-G-H Records, ou encore rrecords.com. Les liens seront sur le site de l'émission au www.unechance.com. J'ai particulièrement aimé la troisième pièce que j'ai fait jouer, c'était vraiment... Voilà, notre spéciale musique canadienne du poste d'écoute continue avec la formation Man Ray Gun. Leur nouvel album s'appelle Twilight Speak. Et tout de suite, voici Prologue, suivi de Sunday Hymn au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Walking tall and self-assured, a prize fighter by the nightlight of the Gideon's good word. A brown bag of religion outside the journeyman motel, stopping off at heaven on the winding road to hell. All that you can muster where the highway splits in two. If you don't find what you're wanting, it'll probably find you. From Tomahawk to White Court, from Nojack to Swan Hills, drowning out the voices with those shiny little pills. 2 weeks straight on Lodgepole Pine, 4 days off, pockets full of double time. 6 more miles and the world will be mine. 8 straight years on the government cut line. There's a light in the distance for each station of the cross could be the halo of redemption or the afterglow of loss. Her letter in his pocket, her perfume on his mind. When the fog fell from heaven, he just lost that yellow line. 2 weeks straight on Lodgepole Pine, 4 days off, pockets full of double time. 6 more miles and the world will be mine. 8 straight years on the government cut line. It was early Sunday morning when they found him overturned. The sermon carried on without a breath of concern. She's waiting at the window for the sun to hit the floor, for that pickup truck all mudded up to pull up round to her front door. 2 weeks straight on Lodgepole Pine, 4 days off, pockets full of double time. 6 more miles and the world will be mine. 8 straight years on the government cut line. Le poste d'écoute. Black eyeliner, beautiful, a subway minuet. Honey brown skin with a scar on her arm in the shape of a crucifix, but made with a cigarette. Her world is broken English, her sweet smile painfully untrue. I've walked through this open door now into this brief moment of a lifetime with you. Train's heartbeat, a lullaby, not an end to either dreams. As your head falls gently on my shoulder, fade out in slow motion, fade into the closing scene, fade into the closing scene. Now I close my eyes to see. Now I close my eyes to see. This love may be so blind, babe, but my faith is not. We'll be right back. carry for you. And it's off to work on Monday, as though nothing's come to be. But in my heart they will have buried these words deep in the pocket of my best. Love may be so blinded, but my faith is not. Man Ray Gunn avec l'album Twilight Peak et la pièce Subway Minuet, précédée de Sunday Hymn et de Prologue, donc les trois premières pièces du nouvel album. Man Ray Gunn, qui est de la Roots Music Alternative Experimental, selon leur MySpace, au myspace.com/ManRayGunn. Ils ont aussi un site web au manraygunn.com. Ils viennent d'Edmonton en Alberta. Les membres sont Dennis L, Everett L, Steve L, Silas L et un gars qui s'appelle Tom Murray. Un petit peu le rejet de la gang. Peut-être un groupe de famille, on ne sait pas. Ils sont en spectacle en Alberta en ce moment même. Voilà, donc myspace.com/ManRayGunn. Et puis l'album s'appelle Twilight Speak. C'est la fin de la première heure du poste d'écoute. Dans cette première heure, on a entendu des choses assez variées. On a commencé avec un album de la formation de Midway State qui s'appelait Metal Man on Top of the Hill. Ensuite, il y a Humankind avec It Will All End in Tears. ESL avec Eye Contact. La compilation The R Annual Year 3. Et puis finalement, Man Ray Gunn avec Twilight Speak. Dans la deuxième heure, on va faire un bloc homme-femme. On va commencer avec un bloc homme avec Fred Eagle Smith, Paul McLeod et JP Mortier. Ensuite, on entendra un bloc féminin, Tara Sloan, Ayla Brooke et July Black. Restez avec nous, le poste d'écoute continue pour une deuxième heure dans à peine quelques minutes. À C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Bonjour, c'est la deuxième heure du post-écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, toujours dans notre spéciale musique canadienne, deuxième partie, il faut le rappeler, quand même que de la musique canadienne cette semaine, donc pas de francophone, pas d'électronique, pas de jazz, pas de rien d'autre que du Canadian. Donc, deuxième heure, j'allais dire, on va séparer ça en bloc goffé, on va faire des genres de combats des sexes ou presque, mais sans vraiment prononcer notre avis sur les gagnants à la fin. Donc, on va faire goffé. On commence avec notre ami Fred Eagle Smith qui nous envoie l'album Tinderbox. Et tout de suite, voici la pièce Sweet Corn dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Juste après, sur la pièce Chain Gang. Allez voir les liens de l'émission tout de suite au www.unechance.com. Vous pouvez suivre avec nous en direct au fur et à mesure que l'émission. Sapphire chin, never loved me as much. D'écoute. Freddie Goldsmith avec Chain Gang, précédé de Sweet Corn, c'est de son nouvel album Tinderbox dans le poste d'écoute. Artiste, artiste, il s'appelle Freddie Goldsmith, voilà. Je cherchais de MySpace, mais ça me donne quelques d'Américains, je sais pas qui. Ah tiens, il vient d'Ontario, Port Dover, country alternatif, country, Freddie Goldsmith, oui, allez voir le myspace.com/. Dread Eaglesmith, oui, Dread Eaglesmith, c'est un site de fans, c'est pas vraiment son MySpace à lui. On dirait qu'il y en a pas, c'est pour ça qu'un de ses fans en a créé un. On est dans un spécial musique canadienne au poste d'écoute au 89.1 FM où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble. Et là, dans ce spécial canadien, on fait un spécial Guffy. Donc, on est rendu à une fille maintenant. C'est Tara Sloan avec son album Just Look Pretty and Sing. C'est ce qu'on pourrait dire de plusieurs des filles qu'on reçoit ici dans le poste d'écoute, qui ont l'air d'être pas mal juste belles et pas être très bonnes chanteuses. On va voir si Tara Sloan fait le contraire. Donc, on va entendre les pièces My Little Secret et Sally Gets High tout de suite dans le poste d'écoute au 89.1. Pour nous écouter en direct sur Internet, c'est le www.cifu.ca. Secret, you turn me upside down. I don't know what to do. Dara Sloan et son nouvel album Just Look Pretty and Sing, la pièce Sally Gets High, précédée de My Little Secret dans le poste d'écoute. Dara Sloan, artiste torontoise, oui, en Ontario. Dara Sloan, Jordan Zadorozny et Tony Ruballo et puis Tom McKay dans son band. Bah, c'est pas mal toutes les informations que j'ai sur Dara Sloan, Just Look Pretty and Sing. Ses pièces étaient bonnes, donc quand même fait le contraire de ce que son titre d'album disait, donc c'est bien, c'est ironique comme ça. Dara Sloan, voilà. On continue dans le canadien, mais cette fois-ci du côté masculin, parce qu'on est dans un spécial musique canadienne, et puis on fait une petite heure spéciale homme versus femme. L'album de Paul McLeod, c'est-à-dire Peter McLeod, s'appelle Bright Eyes Fade, et voici tout de suite la pièce Clear Thought dans le poste d'écoute au 89.1 FM. www.unechance.com pour tous les liens de tous les artistes qu'on écoute aujourd'hui. Day or two, is there nothing I can do? Is there nothing I can say to make you stay? They tell me you're not coming back. You've had enough and you're making tracks. Everybody here wants something. poste d'écoute. Put down the phone and Alicia, turn up that old radio. Let down your hair and Alicia, we gon' dance all night long. I got a letter from the prison, it looks like your boy's coming home. Une pièce particulièrement lo-fi de Paul McLeod, précédée de la pièce Clear Thought. Ça vient de son nouvel album Bright Eyes Fade dans le poste d'écoute au 89 FM. Paul McLeod, donc artiste acoustique rock indie de Kitchener-Waterloo en Ontario. Vous pouvez aller voir le paulmcleod.com, Mac, M-A-C, Loud, L-E-O-D.com ou encore myspace.com, MacLeod. Paul, donc à l'envers. Les liens sont comme toujours sur le site de l'émission au www.unechance.com. Il est en spectacle un petit peu partout en Ontario en ce moment, mais je vois pas de date au Québec. Paul McLeod, l'album s'appelle encore une fois Bright Eyes Fade. On est dans le spécial musique canadienne, deuxième partie ici au poste d'écoute. Et dans ce spécial musique canadienne, il y a un spécial homme versus femme. Donc, on passe du masculin au féminin pour aller entendre Ayla Brooke, After the Morning After. Et là, en tout cas, je viens de regarder dans l'album, puis non, on fait pas ça en fin de compte, on change de plan. On va entendre July Black avec Revival. Voilà, c'est vraiment July Black, on s'en entend. Avec la pièce 7 Day Fool, précédée de DJ Play My Song. Elle a l'air très, je peux pas vraiment dire de choses sur elle. Elle a l'air un petit peu sur le coin d'une rue. July Black, Revival. You can't taste it. DJ, won't you play my song? Play my song. Ok, j'avoue, j'ai pas eu de téléphone pendant la pièce, mais c'est beaucoup trop pop pour ces filles. Je vais prendre mon droit de veto là-dessus. Là. Elle va brasser ses fesses, puis DJ joue ma fin. Non, juste non. Non, vraiment pas. Donc, on va faire comme tantôt. Comme je disais, on va aller entendre Isla Brooke tout de suite. L'album s'appelle After the Morning After, et voici la pièce Wake Up Early dans le poste d'écoute. Ouais, me brasser les fesses pour faire de l'argent. T'as pas plus pop que ça, c'est très très Rihanna. Comme vous. I wake up early, early every morn, early every morning before the grass is warm. The frost fell heavy, heavy on the lawn. I wrap my arms around you, stifling a yawn. I don't think I could face the day without your warming touch. And once just seems to be a tease. It's never quite enough. I stoke that fire, get that kettle hot, till she starts to whistle like she'll blow her top. Oh my honey roll, sticky sweetly honey, she keeps me from the cold. And I don't think I could face the day without your warming cup. And one just seems to be a tease. It's never quite enough. It's never quite enough. It's never quite enough. It's never quite enough. Au retour, une autre pièce de Isla Brooke et on découvre J.P. Mortier et Peter Elkis dans le poste d'écoute au 89 FM. Greet her and stretch out our time a little more. Well, I've tried to stay, but my feet, they get loose and they lead me astray. I don't know why I've gotta live this way. I don't know why I've gotta leave anymore. I'm trying hard not to wake the neighbors, but I've got to sing loud to think straight. And I'm only staying here on favor, in exchange for the dishes in the sink. And I've tried to stay, but my feet, they get loose and they lead me astray. Don't know why I've gotta live this way. Don't know why I've gotta leave anymore. Sometimes at night in lamb's blue light, I'll sing the perfect song. Then I'll remember and try to forget that I've been gone for so long. I've been gone for so long. This road is so full of strangers, but no one's quite as strange as yourself. And I guess guess in this love I've been a shortchanger. Just skimming off the top of your heart's well. And I've tried to stay, but my feet, they get loose and they lead me astray. I don't know why I've gotta live this way. I don't know why I've gotta leave anymore. I don't know why I've gotta leave anymore. Isla Brooke avec Leave Anymore, précédé de Wake Up Early de son nouvel album After the Morning After. C'est un artiste de l'Alberta, Isla Brooke. Et oui, c'est un homme. Il fait de l'Americana indie acoustique et les membres de son band sont évidemment lui-même Isla Brooke et des fois Brent Oliver, John Blairow et Chris Sturwold. Allez voir le myspace.com/IslaBrookeMusic et vous aurez toutes les informations et vous pourrez même écouter des pièces de son nouvel album. On est dans le spécial musique canadienne du poste d'écoute et dans ce spécial musique canadienne, on fait un spécial homme versus femme. Donc on y va, gars-fille. Et là, on est rendu aux filles. Et ça risque d'être particulier. On s'en va entendre Quartet, un groupe composé de 4 femmes d'un certain âge. Pas des vieilles femmes, mais des femmes d'un certain âge quand même. L'album s'appelle Down at the Fair et tout de suite, voici la pièce titre Down at the Fair. Dans le poste d'écoute au 89.1 FM, la radio complète de Trois-Rivières. Ah oui. Going to the fair, gonna win a prize for my girl. Gonna meet her at the gate and take her on the tilt-a-whirl. Throw some darts at pink balloons, neath the light of the big old moon. Down at the fair to win a prize for my girl. On the Ferris wheel, circle up to the stars. When we come back down, travel on a trip to Mars. View what the fortune teller has to say. Candy floss along the way. Down at the fair to win a prize for my girl. Oh me, I'm an average guy, and she is a beautiful girl. To win her heart would be the sweetest prize in this whole world. Oh yeah, in this whole world. Gonna swing that hammer, gonna ring that golden bell. Throw a pitch, toss a penny in a wishing well. This could be my lucky night. Give her anything that she might like. Down at the fair to win a prize for my girl. Oh me, I'm an average guy, and she's a beautiful girl. To win her heart would be the sweetest prize in this whole wide world. Oh yeah, in this whole gonna win a prize for my girl. Going to the fair, gonna win a prize for my girl. Gonna meet her at the gate and take her on the tilt-a-whirl. Throw some darts at pink balloons, meet the light of the big old moon. Down at the fair to win a prize for my girl. Oh yeah, down at the fair to win a prize for my girl. Down at the fair to win a prize for my girl. Le poste d'écoute. There's an artist in you. You painted my love 20 shades of blue. And I don't wanna be your canvas no more. I ain't gonna be your canvas no more. No, never no more. My life used to be like a bright sunny day. You painted it over in shades of gray. I don't wanna be your canvas no more. Ain't gonna be your canvas no more. No, never no more. Let me spell it out for you in black and white. The way that you use me, it just ain't right. Don't wanna be your canvas no more. Ain't gonna be your canvas no more. No, never no more. Change my religion, change my name, fit me into your picture frame. And I don't wanna be your canvas no more. I ain't gonna be, ain't gonna be canvas no more. No, never no more. I'll tell you something straight from my heart. I never will be your work of art. Don't wanna be your canvas no more. Ain't gonna be your canvas no more. No, never no more. Cause babe, I swear there's an artist in you. You painted my love 20 shades of blue. And I don't wanna be your canvas no more. I ain't gonna be your canvas no more. No, never no more. No, never no more. Quartet avec 20 Shades of Blue, précédé de Down at the Fair, de leur album du même nom, ici dans le poste d'écoute. Quartet, Roots Music Country Americana. Il vient de Toronto, en Ontario, et apparemment, c'est la crème de la crème des collaborations vocales. Ils ont mis ça entre guillemets, donc sûrement que quelqu'un a dit ça d'eux. Mm-hmm. Ils sont en spectacle un petit peu partout au Canada en ce moment, entre autres en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Ontario. Les membres sont Gwen Swick, Caitlin Enford, Cindy Church et Sylvia Tyson. Leur site web est au quartet.com ou myspace.com/quartet. Mm-hmm. Encore une fois, leur album est Down at the Fair. On est dans le spécial homme versus femme du spécial musique canadienne ici dans le poste d'écoute. Et puis on retourne au masculin, la perfection masculin, comme on dirait. JP Mortier ou JP Mortier avec Backpacker. J'ai aucune idée s'il parle français ou anglais, mais j'imagine que ses pièces sont en anglais. Voici la pièce d'ailleurs, The Traveler. We travel many miles for a glimpse of your smile. To be with you for a while, but I've never been there. No, I've never been there. No, I've never been there with you. Traveled around the world just to find this girl. Find my little pearl. but I've yet to find her. And should I find her, would she follow me back home? Of all those places here and afar, from Weno to Zanzibar, I wanna be in your arms. For my destination, amongst many nations, with no discrimination, no harm. Travel a thousand miles for a glimpse of your smile, to be with you for a while. But I've never been there. No, I've never been there. No, I've never been there with you. JP Mortier avec Super Black, précédé de The Traveler dans le poste d'écoute. Ben oui, c'est ce que je voulais savoir. C'était quelle émission qu'on écoutait là? C'est le poste de l'écoute, c'est bien évident. Donc, JP Mortier, ben, en fin de compte, c'est pas mal ça. Allez voir le jpmortier.com ou myspace.com/Mortier, simplement. Donc, Mortier. Et vous allez apprendre qu'il vient de Montréal, au Québec, oui, au Québec. Un rock alternatif indie. Et puis, dans le fond, c'est un artiste solo qui travaille avec différents musiciens et collaborateurs, mais normalement son backup band est Sylvain Auclair, Daniel Grégoire et Stéphane Tate. On est dans un bloc masculin et féminin ici dans le poste d'écoute spécial musique canadienne deuxième partie. Et là, on va entendre The Gruff, qui est composé de trois filles et un gars, ce que je vois sur la pochette. L'album s'appelle A Trail of Missing Thoughts. Et tout de suite, voici Holes in My Cheeks. Oh, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. When he left for good, you know he left. guitar. You know he makes this song so sweet. It makes my heart go oh so quiet, and it knocks me off my feet. And though he lives a simple life, he don't do no one no harm. He works all day pouring on his bread, and at night he keeps me warm. Lord, Lord, at night he keeps me warm. And as we drive the highway between two mountains high, I'm dreaming of my baby's arms. Two more days of being sun, two more days in the sun. And as we drive the highway between two mountains high, I'm dreaming of my baby's arms. Two more days of being sun, two more days in the sun. The Gruff et Country Lovin', précédé de Holes in My Jeans. Ça vient de leur album A Trail of Missing Thoughts, ici dans un poste d'écoute. The Gruff, un groupe très typiquement canadien de folk country bluegrass. Ils viennent de Victoria, en Colombie-Britannique. Les membres sont Fader Camp, Jenny Ritter et Terry Upton. C'est les trois membres femmes de ce groupe. Et il y a toujours quelqu'un au fiddle, soit Adrian Dolan, Adam Iredale ou Serena Aids, et des fois Adam Dubriz à la guitare électrique. Voilà. Ils sont en grosse, grosse tournée partout au Canada. Ils étaient d'ailleurs le 1er juillet aux célébrations du Canada à la gauche. Voilà. Donc, myspace.com/TheGruffBand ou TheGruff.com, c'est leur site web. Seulement 25% de garçons, disent-ils sur leur MySpace. C'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute. On a entendu Fred Eagle Smith avec Tinderbox, Terrence Sloan avec Just Look Pretty and Sing, Paul McLeod avec Bright Eyes Fade, Julie Black avec Revival, c'était merdique, Isla Brooke avec After the Morning After, Quartet avec Down at the Fair, JP Mortier avec Backpacker et The Gruff avec A Trail of Missing Thoughts. C'était Guffy. Dans ce spécial musique canadienne, deuxième partie au poste d'écoute. Troisième heure, restez là. Il va y avoir Peter Elkis, Old Man Nudecky, The X-Stalls, Chad et plusieurs autres. Restez avec nous, c'est le poste d'écoute au 89.1. C'est la troisième heure du spécial musique canadienne, deuxième partie dans le poste d'écoute au 89.fm. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et on est toujours en direct les vendredis matins à 10h. On rappelle les samedis à 13h et les lundis à 17h. Donc prenez note de nos heures pour l'été. Hein, puis écoutez l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Donc, dans cette troisième heure de notre spécial musique canadienne, on va entendre un paquet d'artistes. On commence avec Peter Elkis. Son nouvel album s'appelle Wall of Fire. Et voici Fall Apart Again au 89.fm et cfou.ca pour nous écouter en direct sur Internet. Unechance.com pour voir tous les liens des artistes présentés pendant nos émissions. A ring of friends who've come and stayed together. doubt that I hear across the phone. Well, I'm out and about, you're left all alone. To celebrate the wins and give it one more spin, let's fall apart again. It should be put to rest, but it's what we do best. Let's fall apart again. Who've laid across our narrow path? Have they remained in every shallow breath? And do you use them to get there? Close your eyes and get there. Like I'm singing on a corner, 'cause I got no other way. And I don't care about the money, I just want to sit and play. Good morning, little darling, how did you sleep? Peter Elkis avec Willpower, précédé de Fall Apart Again de son album Wall of Fire, ici dans le poste d'écoute spécial musique canadienne deuxième partie. Donc Peter Elkis qui fait du soul, folk, rock, rock. Il vient de Toronto en Ontario, peterelkis.com ou myspace.com/peterelkis. Les liens sont comme toujours sur le site de l'émission au www.unechance.com. On continue avec Old Man Lou Decay. Son nouvel album s'appelle Proof of Love et voici la pièce titre Proof of Love. Et je vous rappelle d'aller visiter le site Poissière pour nous écouter en direct sur Internet. Well, she come dancing up the middle like the cats in the fiddle by the light of the moon. Just when I'd given up hope, I could barely cope. She didn't come too soon. I thought, hey, diddle diddle, now isn't this a riddle? It's a proof of love. When the cakes hit the griddle, we'll dance a little jiggle by the stars above. Call this world our own. All I want is to be a little part of the things that I love. All I want to make a little start at the things that I love. Seems there's lots of things that I could love. Well, Zoe says, begging your pardon, been her victory garden in the month of June. She finds Lonzie on dreams of suburban farming coming up soon. And she's the spirit of the age, she's a breaker of the cage, she's a proof of love. When the cakes hit the griddle, we'll dance a little jiggle by the stars above. All this world her own. All I want is to be a little part of the things that I love. All I want to make a little start at the things that I love. Seems there's lots of things that I could love. Well, Chuck, he's a pretty weird duck. He likes to stay at home, build model trains. But when he gets to Barney's River, he gets a thrill he can't explain. Has a thrill riding through the hills, following the river and the train track. Like he's in a model set, feeling he gets is a proof of love. Call this world his own. All I want is to be a little part of the things that I love. All I want to make a little start at the things that I love. Seems there's lots of things that I could love. Himself wrong, he's jaded, but he's faded on a hot afternoon. He can be a bit grim, but there's records for him that'll make him swoon. And when he's home, all alone, with the headphones on, he's a proof of love. When the cakes hit the griddle, we'll dance a little jiggle by the stars above. All this world are on. All I want is to be a little part of the things that I love. All I want to make a little start at the things that I love. Seems there's lots of things that I could love. Le poste d'écoute. Just like a river, I'll carve my own valley. Just like a mountain, I'll stand all alone. Just like a cloud, I'll uncover a sunset. This world is it, I'll make it my home. This world is it, I will make it my home. Standing by highways, I'll thumb my way over. Standing by oceans, I'll listen to poems. Standing in cities, I'll sing out the warnings. This world is it, I'll make it my home. This world is it, I will make it my home. 'Cause I've been to the bottom of fear and self-loathing. And in all of that darkness, love came along. Though I still know my way down to that basement, leave it behind when I hear these songs. Leave it behind when I hear these songs. Against the armies of darkness, I'll ride out to meet them. It's the haters and half-baked, I'll win them with song. Careerists and power, I'll sweep out the ashes. This world is it, I'll make it my home. This world is it, I will make it my home. 'Cause I've been to the bottom of fear and self-loathing. And in all of that darkness, love came along. Though I still know my way down to that basement. Leave it behind when I hear these songs. Leave it behind when I hear these songs. And lying with you, love, will move from the center. Lying like grass, our love will grow long. Lying like Whitman, we'll love everybody. This world is it, we'll make it our home. This world is it, we will make it our home. And if fear and doubt are our greatest rivals, action and joy can carry us along. Hard work and hope trump hard luck and trouble. This world is it, we'll make it our home. This world is it, we will make it our home. 'Cause we've been to the bottom of fear and self-loathing, and in all of that darkness, love came along. Though we still know our way down to that basement, leave it behind when we sing these songs. Leave it behind when Old Man Lou Decky avec Just Like a River, précédé de Proof of Love, de son nouvel album du même nom, Proof of Love. C'est du folk de Nouvelle-Écosse. Oldmanloudecky.ca ou myspace.com/oldmanloudecky est en spectacle un petit peu partout en Ontario, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan. Mais il ne passe pas par le Québec, malheureusement. Donc voilà pour Old Man Loudecky. Dans le spécial musique canadienne du poste d'écoute, on continue avec The X-Talls. L'album s'appelle Call It a Comeback et voici Welcome to the Record. Right.

So I bad like credit while they bear styles. More plain than the air miles. Borrow metaphors from mega stores to get rewards. We get them open automatic like the exit doors. And take a step higher, y'all just gotta press the floor and step out. In faith, it's okay to confess doubt. Knowing how it feels to be stressed out. Tribe called my quest out. Poems I sketch out to find the best route home. Don't live in your dome for too long. You end up like that Tiffany song. Thinking we're alone. We all get older, we don't all get grown. Cause some of y'all don't really like to. Yeah, y'all don't really like to. Y'all don't really like to. Y'all don't really like to. Chad avec I Don't Like To, précédé de l'intro Quest for Glory, c'est bien son nouvel album The Old Prince. Chad de son vrai nom, Chad Rax Bango. C'est pas mal hip-hop rap, mais c'est classé dans le Canadian, sûrement parce que l'artiste est canadien. C'est pas toujours une science exacte, cette affaire-là. Donc voilà pour Chad, myspace.com, parolic Chad, S-H-A-D, ou encore le ShadK.com, S-H-A-D-K.com. Les membres sont Chad Rax Bango, DJ Tilo, Ian Coiter, Andrew Corbin, Scott Kelly, Explicit et des fois d'autres. On reste dans le Canadien parce que c'est le spécial musique canadienne deuxième partie, sinon le poste d'écoute. On s'en va entendre l'album Raid de Mosquito Bee. Vous voyez comment il y a des jeux de mots là-dedans, moustique, bee, abeille, raid, non, bon. Ridicule. Voici un rabbit dans le poste d'écoute. Oh, qu'on aime donc ça. Fuck, fuck. Well, the moon is high and clear. Headlights examine every rear. Is geared to last. The question is how much, how fast. You become the perfect vanity. When she's there, truth will come, and it's no tragedy. You please herself. You make love to immortality. You rabbit, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Oh, you rabbit, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Every night remains the same, as long as you control the game. Conquest is your identity. You're in the bush not having tea. You become red-eyed celebrity. When she's there, ears long for every sound she makes. You please herself. You make love to immortality with each girl. You will drive till the end. Yes, you can. You rabbit. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Oh, you rabbit. Time, always up for a drink and do the down inside the witches. And a waste of time, nobody wears a ring. They're all free here. My friend, it's not a crime. Each day's another drink. They do not fear. Too many days in one night. Too much, too late. You're in. Feel your mind go. And the bar shows blacks or yellows. Strange feelings. See a star glow. All the cash goes as the wine flows. You know. Just look in their eyes, it all becomes a trick. They are witches. Don't care to save a dime. Your money carries on buying pleasures. Don't try to give them your heart. A ruthless game they'll play. Feel your mind go. And the bar shows blacks or yellows. A strange feeling. See a star glow. Out the cash goes. As the wine flows. You're now dreaming. Oh, you try to rise up. Oh, you wanna rise up in vain. Don't try to reach their minds, they'll kick your ass out there. La formation québécoise Mosquito Bee avec leur album Raid et la pièce The Witches of the Wasted Time, précédée de Rabbit dans le poste d'écoute. Ils vont être en spectacle le 31 août à 11h au International Weekend Budweiser de Québec. Ils étaient le 1er juillet live à Le Bayou. Voilà, ils aiment beaucoup parler en anglais pour un groupe québécois. Rock Pop et Power Pop pour Mosquito Bee. Les membres sont Dan-Louis Moisan à la basse et la voix, Dominique Fournier à la batterie et la voix, Gabrielle Bégin, fille. La guitare et la voix, Jeff Richard à la guitare et la voix, et Marc Durand et leur agent. C'est les membres du groupe. Il fait partie du band. Influence de The Beatles, The Cure, Fleetwood Mac, New Order, Rush, Yes et The Who. Voilà. MySpace.com/MosquitoBee. Mosquito et la lettre B. La biographie est en anglais au complet. Ce que je vois, donc je ne la lirai pas, ça ne compte pas. Allez voir donc le MySpace.com/MosquitoBee et je vais le dire encore une fois au groupe québécois, mettez donc vos biographies en français. On passe à Jimmy Boskill, leur album est éponyme et voici la pièce Diamond Ring. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous au 89.1. www.unechance.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui pour télécharger la balade de diffusion chaque semaine. From my boots, no telling what the next step brings. Le poste d'écoute. Baby, if you got to rock, I'll be your rocking horse. Baby, if you think you like to roll, maybe you'll dig it more. Shaking the world when it's time to crash. The Jimmy Bowskill Band avec la pièce Rattle Shake Snake Shake Rattle Snake Shake, oui, et précédé de la pièce Diamond Ring, pardon. Ça vient de leur nouvel album Jimmy Bowskill. C'est un groupe de Peterborough en Ontario. Ils font du rock blues roots. Ils vont être à Tremblant, au Tremblant International Blues Festival, le 9 juillet à 7h30. Ça dit 7h30, ça doit vouloir dire 19h30. C'est marqué AM, pourtant, faut dire. Ensuite, ils vont être en Colombie-Britannique en Ontario. Ils vont revenir au Québec à Beauport le 27 juillet à 16h au festival Beauport en Blues. Et puis, ils vont revenir, je crois, au Québec plus tard. Enfin bon. Allez voir myspace.com, avec Jimmy Bowskill ou bien jimmybowskill.com. Le lien est sur lunchance.com, comme toujours. On est dans le spécial musique canadienne du poste d'écoute. Et on s'en va entendre David Miles. Son nouvel album s'appelle On the Line. Et voici I Don't Wanna Know. Tout de suite. Dans poste d'écoute. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet au www.cfou.ca. Cliquez sur « En direct ». How far we're gonna go? And I don't wanna see how foolish we can be. There's too much on the line, there's too much at stake. I've made up my mind, I can't sit here and wait. Time after time we make the same mistakes. I've made up my mind, I can't sit here. I can't sit here and wait. I'm too scared to lose. I'm tired of waiting on time and relying on fate. I've made up my mind, I can't sit here and wait. If things don't change soon, it's gonna be too late. I've made up my mind, I can't sit here. I can't sit here and wait. Listen to them tell me that it's out of my control. 'Cause I can feel it in my body and I can feel it in my soul. That when I walk out on my doorstep, I will see that I'm not alone. 'Cause the world's already changing. 'Cause the world knows we can't sit here and wait. Change my mind, but you make it so hard nothing. And if you left, I'd call you back. If you left, I'd think of something to change your mind and turn your track. I wouldn't give you up for nothing. I ain't lying, that's a fact. I wouldn't give you up for nothing. I ain't lying, that's a fact. I wouldn't give you up for nothing. I ain't lying, that's a fact. Le poste d'écoute. David Mars avec When Will We Learn de son nouvel album On The Line. Ça a été précédé de Give You Up et de I Don't Wanna Know. David Mars du folk acoustic blues de Halifax, Fredericton, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Canada. L'album est sorti au début du mois de mai. Greg Brown, Bill Withers, Bob Dylan, John Martin, ce sont quelques-unes de ses influences à ce David Miles. Allez voir davidmiles.com pour plus d'informations ou myspace.com/davidmiles, M-Y-L-E-S. Le lien est sur le site d'émission, comme toujours, au www.unechance.com. Oui, je le rappelle, www.unechance.com. Dans cette troisième heure du poste d'écoute, on a entendu Peter Alkiss avec Wall of Fire, Old Man Ludecky avec Proof of Love, The X-Stars avec Call It a Comeback, Shad avec The Old Prince, Mosquito Bee avec Raid, Jimmy Boskill avec son album éponyme et David Mars avec On The Line. Dans l'émission complète, ce que j'ai choisi comme mon poste d'or, donc l'album à conseiller cette semaine, c'est celui de Humankind qui s'appelle It Will All End In Tears. Ça a été un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'a tant impressionné que ça. Ça m'a plutôt laissé indifférent l'émission d'aujourd'hui, notre deuxième spéciale musique canadienne. Pourtant, la semaine dernière, la première partie, il y avait beaucoup de choses que j'avais beaucoup aimé. J'avais mis beaucoup de cœur. Enfin bon. Donc, allez voir leunechance.com pour tous les liens des artistes d'aujourd'hui pour télécharger la balado-diffusion à chaque semaine. On va se quitter avec une pièce de Humankind qui s'appelle Don't Fall. Oui, c'est la troisième de leur maxi. Malheureusement, on n'a pas plus de pièces que six sur cet album. Donc, même si on voulait en passer plus, c'est difficile un peu. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les vendredis à 10h. On rappelle les samedis à 13h et les lundis à 17h. Moi, je me retrouve aussi à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, les mardis à 11h. Et dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir les vendredis soirs à 17h. De la part de toute l'équipe fictive du Poste d'écoute, merci d'avoir été là. Faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance.